à la place de deux numéro 1 avec rien entre les deux. C'est le premier et le dernier. Donc, 1965 avec Sonny Bono, I Got You Babe. Et 33 ans avant, donc, I Believe. 99. Et voilà, d'autres trous remarquables. Hein? L'homme en noir, lui-même, Johnny Cash. Johnny Cash. A le record pour le plus long trou entre deux albums numéro 1 sur le Billboard 200. 36 ans, 10 mois et une semaine. Les albums sont Johnny Cash at San Quentin le 13 septembre 1969. Donc, demain... Est-ce que ça va jouer à rock classique cette semaine? Et American 500 Highways le 22 juillet 2006. On dit une connaissance spéciale pour Carlos Santana qui a eu 30 ans entre sa première apparition sur le Hot 100 chart et son premier single numéro 1, Jingo, le 25 octobre 1969 et Smooth, mettant en vedette Rob Thomas le 23 octobre 1999. Voilà. Donc c'est ça pour les trous entre différents number one hit single de la voûte. De la voûte. 1989. Non, j'ai eu ça quand ils font ça à la radio. Tu sais, c'est comme genre remplissez le vide, là, tu sais. Ouais, mais c'est un peu ça tout le temps aussi. T'as une grosse voix qui dit genre 2000, puis là, ça arrête. Gros suspense. 3. Comme gros succès flashback 2003. Ah, donc voilà pour la collègue, c'est un fait pour aujourd'hui, François. Merci, Mathieu. C'est un gros hit. Vous êtes assez fou. Un hélicoptère qui vient nous chercher. Ouais, c'est ça, Black Hawk Down. Bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Tantôt, je vous parlais de la boîte d'LG2 qui a fait une campagne intéressante pour le Festival de magie de Québec. OK. Et puis qui s'est offert une campagne d'ambient marketing assez magique. Je vous invite à aller voir tout de suite la petite publicité sur la page Facebook du Dîner de Con. Il y a un petit vidéo YouTube qui va partir. Et puis la pancarte, ben, je vous explique un peu ce qu'ils ont fait. Eh bien, justement, ce festival s'est offert un coup de pub original en faisant sortir des pigeons d'un chapeau géant, donc pour ce festival. Quoi de mieux qu'un petit tour de magie pour parler du Festival de magie de Québec? Ça a été imaginé par l'agence LG2, donc merveilleuse agence. En plus, les fondateurs de cette agence-là, c'est deux trifluviens, Charles-André. Ah oui, ouais. Magnifique. Cet affichage dynamique ne pouvait pas miser plus juste afin d'étonner et d'émouvoir les passants. Plein d'imagination, les créatifs de l'agence ont ainsi conçu un chapeau géant de magicien duquel venait et sortait et rentrait des pigeons. Et puis, ben, à l'intérieur, rien de magique, mais plutôt une astuce très originale, la dispersion de plusieurs graines qui, inévitablement, attiraient en nombre les oiseaux. Naturellement. Les volatiles, donc, n'ont ainsi pas cessé durant des jours et des jours leur balai aérien au-dessus du billboard, faisant croire un véritable tour de magie et, bien sûr, de la part des annonceurs. Pour ce faire, donc, peu de frais et à grand renfort d'inventivité, cet affichage dynamique a ainsi émerveillé la population de la ville de Québec, qui a certainement dû croire un instant un véritable tour de magie. Ah, oh, ben c'est cool, ça avait l'air bien réussi, comparé, mettons, à la campagne Thérèse, que moi, je trouvais moins réussi, là, si tu veux mon avis, mais ça avait l'air d'être un franc succès. Donc, je les félicite de tout mon cœur. Très, très bonne idée. Une idée comme ça, du génie. Quand ça coûte à peu près rien et puis que ça fonctionne, on peut appeler ça du génie. Ça relève du génie, tout à fait. Tout à fait. On va avec une petite dernière, une autre vidéo que vous pouvez aller voir. C'est Freddie Wong qui devient un nouveau héros de Grand Theft Auto. Ben, l'enjeu vidéo et retouche numérique, Freddie Wong réalise un nouveau tour de force, celui de devenir un héros du Grand Theft Auto. Très bien connu, ce jeu. Hein. Freddie Wong dit Freedio. Pour les connaisseurs, est un réalisateur bien connu sur le net pour ses vidéos détonnantes où celui-ci parvient à s'incruster dans des jeux vidéo. OK. Et après avoir joué les mercenaires dans Résistance 3, aujourd'hui, c'est l'univers du jeu d'action Grand Theft Auto que l'artiste s'attaque. Maniant les effets spéciaux comme personne, Freddie Wong parvient ainsi à reproduire à la perfection l'ambiance du jeu mythique en reproduisant les villes de Liberty City, Vice City et San Andreas. Devenant l'un de ses héros, il parvient à accomplir une série de performances comme traverser une autoroute sans se faire renverser ou encore conduire une voiture tout en tirant des coups de feu. Mêlant astuces astucieusement réalité et monde virtuel. Freddie Wong signe sa vidéo avec une nouvelle adaptation réussie du jeu de Rockstar Game. Et je vous invite à aller voir parce que c'est magnifique. On s'imagine le talent du jeune homme. Et je pense pas, je suis pas inquiète pour son avenir. Pour son avenir, non, il va probablement être recruté par une grosse boîte hollywoodienne. Tout à fait. Sur ce, 11h15, Charles-André, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui, en ce lundi? Bon, ben aujourd'hui, on est véritablement lundi. Ma chronique sera donc plus légitime que la semaine passée où j'avais décalé les journées pour les besoins de la cause. Aujourd'hui, comme on est lundi, on va commencer ben smooth dans le dessin animé jusqu'aux oreilles. J'ai décidé d'entamer la revue de toute l'œuvre de Hayao Miyazaki, qui est le plus grand réalisateur de dessins animés japonais. Et on sait que, bon, le dessin animé au Japon, c'est très, très prisé. Et c'est beaucoup mieux considéré qu'en général dans le reste du monde. Et c'est beaucoup plus populaire, d'ailleurs, auprès des adultes. En Europe, ça fonctionne bien, là, la bande dessinée. Ça fonctionne de plus en plus. Et même ici, au Canada, aux États-Unis, on est encore avec Walt Disney, public cible, les enfants. Sinon, il y a la gang de Marvel. Oui, exactement. Ça exclut pas que je vais en présenter quand même. Sauf que j'ai décidé vraiment de passer en revue toute l'œuvre de ce réalisateur-là, étant donné la pertinence et la qualité de tous ses films. Travail. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le début, avec le commencement. Parfait. Hey, je t'apprends, demain, c'est confirmé. On a Citron et les chiens de tête en entrevue et en prestation live ici même. Oh, ça va être assez rock and roll. Oui, on va nous faire Sur la plage de Nudis, qui est une pièce quand même qui n'a pas vraiment... Qui n'est pas trop offensante. Non, il n'y a pas grand mot, là, peut-être à part une paire de totons ou quelque chose du genre. Ouais, des boules, là. Ouais, c'est le pire mot qu'on entend, mais je pense que c'est pire dans beaucoup d'émissions de télévision qui sont à des heures de grand public. Là. Oui, tout à fait. Ça, donc, on ne va pas commencer acceptable. À grimper d'un rideau. Non, non, ça. on ne veut pas perdre nos jobs, hein, quand même. Et notre but, c'est naturellement que tout le monde soit diverti. Oui, et de faire connaître cet excellent groupe qui revit tranquillement, on dirait. Tu sais que ça avait marché beaucoup, et puis de plus en plus, j'ai des gens qui m'en parle de ce groupe-là sur Facebook. Il y a des gens que je connaissais pas, que je connais de Trois-Rivières, mais je connaissais pas leur envie pour ça. Et puis là, j'ai vu qu'ils avaient mis, qu'ils aimaient Citron, les chiens de tête, etc. Et tant mieux. Ils bénéficient ces temps-ci d'un bon bouche à oreille, donc oui. On est content pour eux. Et puis de nous aussi, hein, en plus. Tant mieux. Et puis nous, on en profite aussi. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Mieux vaut tard que jamais, voici Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique littéraire. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Mathieu. Bon matin. Bon matin. Bon matin, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, tu nous parles d'un autre livre. Tu commences la session, en fait, il faudrait l'expliquer aux gens, tu recommences une session de chronique littéraire oui. Et tu vas être avec nous aux deux semaines. Exactement, à 8h. À 8h, tous les lundis matin. Donc, quel livre est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vous présente le livre « Je suis un écrivain japonais » de Danny Laferrière. Oui, « Je suis un écrivain japonais », Danny Laferrière, on le sait, c'est un haïtien, donc le titre peut sembler un peu drôle. Et l'histoire est encore plus spéciale parce que le livre, en résumé, c'est, on imagine, un alter ego de Danny Laferrière parce que, bon, c'est un haïtien, écrivain, habitant à Montréal, donc on s'imagine que c'est lui. Mais ça commence... Il trouve le titre de son livre, il trouve « Je suis un écrivain japonais ». Donc, il se dit « C'est avec ce titre-là que je vais partir mon histoire ». Sauf que le livre, en fait, c'est pas une histoire, c'est pas... Bon, c'est un peu drôle à dire comme ça, c'est pas un roman, c'est l'histoire d'un écrivain qui dit qu'il va écrire un livre qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais », mais qu'il l'écrit jamais. Ah, OK. OK, on va résumer ça comme ouais. Ça. Mais bon, ça part de ça, mais en même temps, ça s'éparpille de plein de côtés. Parce que bon, lui, il se dit écrivain japonais, mais pour essayer d'écrire son livre, il va aller voir dans des genres de clubs où se tiennent les Japonais. Il va, on dirait qu'il écrit essayer de s'imprégner. Là. Essayer de s'imprégner, mais pas trop. Telle une c'est poche de thé, mais pas trop longtemps mise en tasse. Ouais, parce qu'il va essayer de s'imprégner en allant côtoyer des Japonaises, un genre de club fermé. Mais en même temps, c'est comme si ce club-là, il faisait un film sur eux. Donc, c'est complètement... Tu comprends pas trop. Ensuite, il nous raconte qu'il prend toujours son bain en lisant un livre. Il est toujours le même auteur japonais. Mais tout ce qu'il fait pour s'imprégner de la culture japonaise, en fait, c'est aller dans le club avec les Japonaises et lire le livre d'haïku japonais. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que tu comprends pas tout de suite ce qui se passe. Tu lis le livre, tu fais « OK, c'est bien écrit, c'est très bon ».

Hey, saviez-vous que le premier film 3D de l'histoire date des années 70? Non, Danny, je savais pas ça. Ben oui. Donc, 10 ans avant Tron, un homme avait déjà tenté l'expérience de réaliser un film 3D représentant une modélisation de sa main gauche. Ouais, ça s'appelait E-Tron. Ah, E-Tron. Si le nom de Head Catmull ne vous dit rien immédiatement, quelque chose en revanche, vous ne serez pas surpris d'apprendre, c'est que ce réalisateur d'avant-gardiste était avec Steve Jobs, John Lasseter est le fondateur de... Apple? Pixar. Ah, Pixar, OK. Oui, Steve Jobs était dans les fondateurs de Pixar. Ah, OK, oui. Donc, Ed Catmull, dans les années 70, avec tout ce qu'on a connu de Toy Story, etc. Donc, avait commencé en 1970, il avait modélisé sa main. C'est très tôt, hein, 1970, pour tout de l'animation 3D. Ben, on nous dit dans les années 72, pour être plus précis, je viens de voir la chose. D'accord. Donc, en effet, 14 ans avant la fondation du studio Mythique, l'homme tentait déjà des expériences originales en scène avec la 3D. Ressorti des cartons, ce petit film de quelques minutes, datant de 1972, nous montre ainsi l'expérience entreprise par Head Catmull pour réaliser en 3D sa main gauche, ainsi que des visages humains. Si le graphisme de l'époque reste très approximatif, les prouesses contenues dans ce court-métrage jettent en revanche ici les bases des futurs succès de Pixar. Curieux et émouvant, ce film de l'ère numérique préhistorique date d'une quarantaine d'années et nous rappelle que malgré les débuts parfois balbutiants, certaines expériences s'avèrent au final très prometteuses. Ben oui, tout à fait. C'est le cas de le constater avec cet exemple-là. Tout à fait. La vidéo est déjà sur la page Facebook du Dîner de Cons, peut-être 10-12e article, quand même assez loin dans la page, mais ça a été mis aujourd'hui, donc c'est à voir. Oui, j'avais bien aimé les débuts de Pixar avec la petite lampe sautillante qui nous avait finalement mené au premier Toy Story qui était vraiment renversant au niveau de la qualité. Tout à fait. Hey, Marty McFly qui propose ses baskets Nike sur eBay. Marty McFly de Back to the Future. Ben oui, on nous sort ça. On se rappelle ces baskets qui se lassaient seuls. Ils se lassaient tout seuls. Oui. J'ai réécouté il n'y a pas longtemps cet été. Ça, c'était dans le 2. Hein, dans le 2, oui, exactement. Parce que le 3, c'est les cowboys. Okay, dans le 2, il s'en va dans le futur. C'est en 1850, le 3. Exactement. Et dans le 1, en 2015. C'est la fameuse histoire en 1955. Là. Oui, dans le 1, c'est ça. Oui. Donc, les baskets Nike Air Mag découvertes dans le film Retour vers le futur 2 ont vu le jour grâce à une collaboration incroyable entre Nike et Michael J. Fox. Les bénéfices iront bien sûr à la fondation de l'acteur qui aide des personnes qui, comme lui, souffrent de la maladie de Parkinson, ce qui est très triste. Jeudi dernier, Nike a sorti donc la paire de baskets Marty McFly. Et donc, quand la réalité rencontre la fiction, cela ne passe jamais inaperçu dans le film Retour vers le futur 2, sorti en 89, on voyait déjà les baskets à lassage automatique envahir notre quotidien. Ces baskets, qui ne devraient voir le jour qu'en 2015, selon le film, sont pourtant déjà disponibles sur eBay. Nike a donc pris une longueur d'avance en dévoilant cette nouvelle collection 4 ans à l'avance. L'acteur Michael J. Fox, qui souffre de la maladie de Parkinson, s'est donc associé à Nike pour donner vie à cette paire de Nike Air Mag du futur dans le but principal de récolter des fonds pour sa fondation. Dans un petit spot de pub, il invite donc tout le monde à faire un geste citoyen. Tout en adoptant le look qui sera à la mode en 2015. C'est en tout cas ce qu'avaient prévu Bob Gale et Robert Zemeckis dans la célèbre trilogie. Donc, allez découvrir ce spot sur la page Facebook du Dîner de Cons dans quelques instants, parce qu'il n'est pas encore mis. OK, donc, quand il était dans le futur, dans Back to the Future 2, ça se passait en 2015. Oui. Je trouve ça toujours intéressant de voir... Ah, tu te rappelais pas que c'était en 2015? Ben non, c'était ridicule, là. Il y avait... On n'est pas là. Non, on n'est pas encore là. Et dans 4 ans, on ne sera pas là non plus. Là. Mais ça arrive souvent, hein, comme ça, les projections du passé sont un peu ambitieuses. Sur, souvent très ambitieuses sur la réalité. Le développement des technologies, mais en même temps, c'est souvent de la science-fiction que viennent des bonnes idées de développement. Tout à fait, tout à fait. Ça peut donner un punch, mais des fois, les délais... Parce que moi, je me rappelle, là, je ne suis pas né en 1998, là, et quand j'étais petit... Les années 2000, c'était dans ma tête impossible de se rendre presque. C'était loin là dans ma tête. Et puis dans ma tête, les années 2000, il y avait des chars qui volent, c'est sûr. Là. Mais le fait qu'on a même développé des voitures qui volent, c'est juste que c'est plus extrêmement utile. Tant qu'à ça, roule-donc en hélicoptère. J'ai vu des prototypes... C'est surtout le fait que c'est pas pratique. On n'a pas le système routier, on n'a pas le système pour accueillir ces véhicules-là. Oui, puis c'est pas encore tout à fait au point. Non, c'est plus. Pas au point tout à fait, exactement. J'avais vu, par exemple, des vidéos des vols d'essai, puis c'était très prometteur pour une bébelle, un gadget. Mais d'après moi, une personne s'achèterait volontiers un hélicoptère, justement, avant d'acheter... Ou même un jetpack.

Tu dois pas y aller de quoi, sérieux? Tu t'en vas, mettons, dans le bois, puis va, un serpent à deux têtes. Non. Deux serpents à un corps. Soyons politiquement corrects. Deux serpents à un corps. Ça va les offusquer, François. Ils vont courir à bric. Comment ils vont essayer de te manger à la tête? Quoique, je paierais peut-être pour voir ça. Tu vas voir que je cours vite. Ouais, au moins grignoter, juste grignoter. Je te veux pas de mal, François. Merci. Voilà. C'est tout pour la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. C'était bon, merci Mathieu. Merci. J'ai appris plein de choses. Aussi bon qu'une tête de serpent, hein? Non. Non? Non. Non. Aussi bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. MCM envoie les filles de Sexy Car Wash dans les rues de Paris. Donc, pour promouvoir une nouvelle émission, Sexy Car Wash, MCM a envoyé deux belles jeunes femmes nettoyer les voitures en plein milieu de la circulation parisienne. Donc, ça s'est passé le 6 septembre dernier. Donc, MCM dévoilait sa nouvelle émission phare de la rentrée qui s'appelle Sexy Car Wash. Ici, le concept, on ne peut plus simple, puisqu'il s'agit simplement de voir de belles filles laver de belles voitures dans des tenues affriolantes. Pour rendre tout cela ludique, l'émission propose de piéger vos amis en voyant une équipe de car washers. Comme moi, mettons, je pourrais dire, va laver le char à Charles-André. Il n'y en a pas, mais bon, peut-être laver ses cuisses. Ou me laver moi-même. Exactement. Je préfère à croire que ton véhicule est dans ta chambre, dans ton lit, ou je sais pas. C'est donc, un beau cadeau à faire à quelqu'un. Ben, tu dis, l'émission propose donc de piéger des amis en envoyant une équipe de belles car washers qui aura pour mission de laver sa voiture. Le tout sera bien évidemment effectué sur les tubes de l'été, provoquant déhanchement très sexy. J'ai mis le film sur la page Facebook du Dîner de cons. Je vous dis, rincez-vous l'œil, ça vaut la peine, les gars. Et les filles aussi, hein, parce que comme on a déjà dit, les belles filles, c'est toujours plaisant, même pour une femme, à regarder. Hein? Ben oui, tout à fait. En fait, je le dis souvent, je le répète encore, ça va peut-être vous sembler absurde, mais tout le monde aime les filles nues, même les filles nues. Ben oui. Pour promouvoir l'émission et la faire connaître au public, l'équipe de Sexy Car Watch a décidé de frapper fort en envoyant une équipe dans Paris laver des voitures de parfaites inconnues en pleine circulation. Et puis, à la fin, c'est drôle parce qu'on finit, les deux filles, ils débarquent comme une brigade, là, sont deux. La musique part, ils ont leur truc, leur guenille, leur petite culotte bien, bien serrée. Puis, ils se mettent à laver une voiture. Là, à la fin, ils ont été avec une voiture de police. Toujours un peu intéressant. Et puis, ben, ça donne un petit côté coquin et controversé. J'aime bien. Bien épicé comme petite nouvelle. Là. Allez voir ça. Sexy Car Wash. Sûrement qu'il y aura bientôt sur YouTube parce que la première était lancée 6 septembre dernier. Il va sûrement y avoir plein de bouts de l'émission originale aussi. Oui. Ça vaudrait une émission qu'on aimerait bien avoir ici au Canada. Oui. Ça serait d'ailleurs V serait une bonne télévision pour être l'autre de ce genre tout de à fait. Show-là. Tout à fait. On pourrait être producteur de ça. Moi, j'ai rien contre. Super Mamika qui révèle son côté obscur. Super Mamika, je vous explique, c'est un photographe qui utilise ses grands-parents donc pour une nouvelle série de photographies aussi drôle que déjantée. Affectueusement nommée Super Mamika, la grand-mère du photographe Sacha Goldberg semble ne plus finir d'inspirer son petit-fils. Après avoir tenu le rôle dans les deux présentes séries de photographies aussi drôle que décalées, Mamika fait une nouvelle apparition dans The Dark Side of Grands-parents Super-Héros. C'est quand même assez original. Oui, tout à fait. Mettant à côté, cette fois-ci, la scène... mettant cette fois-ci en scène, pardon, la vieille dame et son compagnon dans des accoutrements de super-héros dignes des meilleurs comic books. Le photographe imagine des modèles évoluer au sein d'un monde obscur et plein de surprises, s'amusant des codes traditionnels de la BD. L'artiste tend à dévoiler une personnalité plus sombre et secrète que ses grands-parents, un brin loufoque. Une séance photo qui semble avoir amusé tout le monde. Mamika et son ami semblaient visiblement se délecter de jouer les méchants devant l'objectif de Sacha Goldberger. Toujours avec le talent et l'humour, le jeune photographe français imagine ses scénettes pleines de drôleries afin de nous aider à porter un autre regard sur les personnes âgées. On peut être encore tout ce qu'il y a de plus original en photo, hein, Danny. Il s'agit juste d'avoir les idées. L'idée est là. Puis ça me fait penser un peu, puis tu en as parlé tantôt, de V, la nouvelle émission Les Détestables. Oui, qu'est-ce que c'est ça dit? Génial. Oui, vraiment? Oui, c'est produit par Louis Morissette. On sait des... Oui, on connaît, là, de ce fameux trio là, d'humour. Qui était plate, mais maintenant sont rendus bons depuis qu'ils sont plus ensemble. Là. Oui, exactement. Exactement. Donc, Les Mecs Comiques, ça s'appelait. Voilà. Ça vient de me venir. Mais donc, Louis Morissette est le producteur de ça. Les Détestables, si vous ne connaissez pas, c'est un genre d'émission caméra cachée. OK. Où on met en scène des vieux. Je te donne comme exemple, tu es assis au parc avec un de tes amis en train de prendre une bière, même si tu n'as pas le droit, ou tu es en train de fumer une cigarette.

dîner de cons un certain midi cette semaine. Cette nouvelle-là, elle est tout à fait dédiée à toi, mon cher Charles-André. Ah oui? C'est leur église qui était en réalité un sex club. Un sex club? Ben oui. La semaine dernière, la police de l'Arizona aux États-Unis a mis la main sur un sex club illégal qui se définissait comme une église. OK. Ils étaient installés dans le Phoenix Goddess Temple et cette alliance sacrée, comme le définissent les personnes inculpées, cachait en réalité un véritable réseau de sexe, a expliqué ABC News, alors que les prostituées étaient appelées des déesses. Les thérapies de guérison néo-tantriques permettaient de récolter des dons de ceux qui bénéficiaient, bien sûr, des services de ces déesses, occultant ainsi la prostitution de toute discussion. On parlait jamais de prostitution. Ah non, c'était... C'était des thérapies de guérison néo-tantrique. Aïe, aïe. C'est génial, ben sérieux, oui. J'y trouve génial. Au total, 18 personnes. Quand est-ce qu'on passe ça, là, Charles-André? Ah ben, une petite église comme ça? Moi, j'ai déjà mon église de partie comme ça, mais c'est pas néo-tantrique. Non, toi, c'est direct. C'est plus direct que ça, un peu. Au total, 18 personnes ont déjà été interpellées dans le cadre de l'enquête. Parmi elles, les policiers ont trouvé Tracy Elise, la fondatrice de cette fameuse église qui se faisait appeler Mère Mystérieuse par les disciples chercheurs. Imagine, c'est quoi, Mystérieuse? Mystery Mother, je sais pas. La mère mystérieuse. Ouais, mère mystérieuse. Tous ces noms servaient bien évidemment à cacher le véritable but de ce culte né au milieu de nulle part. Ils ont transgressé la loi sous le couvert de la liberté de religion, a affirmé un porte-parole de la police de Phoenix. Ce n'est d'ailleurs pas nouveau que les gens se cachent derrière la religion pour justifier leur délit. Ben non, les prêtres ont fait ça encore pendant plusieurs années. Ben oui, exactement. De toute façon, moi, ça me rappelle toujours la même histoire. Que l'Église catholique, à la base, était une espèce d'entreprise privée où est-ce qu'on vendait le salut, le paradis ou le pardon en échange de la dîme ou des généreux des offrandes, dons, etc. Des croyants qui, au fond, étaient dupés. Mais comme tu dis, on achetait son paradis, on achetait son bonheur. Ça revient un peu aussi aux paroles de chansons de Sodomiser le curé, de Citron et les chiens de tête. Ils ont abusé de la naïveté des gens et encore plus du rectum de leurs enfants. C'est malheureux. J'aime ça parce que leurs enfants. c'est malheureux. Puis je pense que ce qui est mal, c'est pas de le dénoncer. Ce qui est mal, c'est que ça ait eu lieu. C'est bien dit. Très bien dit. Tiens, après un train qui a fait presque 1000 km dans une distance, dans une direction qui n'avait pas rapport, eh bien, maintenant, ce sont un couple de Sud-Africains qui ont réservé un hôtel à 32 000 km de leur lieu de vacances. Génial! C'est un peu plate quand on veut faire une petite sieste d'après-midi, par contre. C'est un peu loin, en effet. C'est loin de la plage. Un petit peu. Ils doivent avoir eu un deal, par exemple. Ils voulaient donc passer des vacances à Eastbourne, en Nouvelle-Zélande, d'où une réservation au Majestic Hotel à seulement 90 euros la nuit dans cette petite ville. Arrivé sur place, ils roulent pendant des heures avec leur GPS sans aucune trace de leurs hôtels. Michael et Sunette Adendorf décident donc de s'arrêter dans une pharmacie afin de demander leur chemin pour finalement apprendre que Eastbourne, une bourgade de 4600 habitants, ne possédait aucun hôtel. Une assistante, donc Linda Burkey, a rencontré cette rencontre au Télégraphe, qui est un journal. Ils sont entrés et m'ont demandé où se trouvaient le Royal Parade et le Majestic Hotel. J'ai dit « Ah non, il n'y a aucun hôtel ici ». J'ai regardé sur la carte et j'ai dit « C'est au Royaume-Uni, en Angleterre ». L'homme a vérifié sur Internet et a dit que c'était drôle de l'avoir fait payer en livres sterling. L'employé a appelé la maison haute aux alentours. Des maisons hautes aux alentours et tout était complète. Elle leur a donc proposé de passer la nuit chez elle, la dame. Ah oui. Le couple, donc, qui visitait la Nouvelle-Zélande pendant la Coupe du monde de rugby, avait fait l'erreur de réserver un hôtel sur Internet à Eastbourne, dans le Sussex, et non dans la petite bourgade où ils étaient. Donc, un comté anglais. Et au Dominion Post Newspaper, journal néo-zélandais, Michael Adendorf a expliqué « J'ai réservé dans le bon hôtel, mais dans le mauvais pays. Je ne comprends pas comment Eastbourne en Angleterre a pu apparaître dans mes recherches. » Ah ben, c'est quand même assez amusant. On sait qu'il faut se méfier, il faut être quand même prudent quand on réserve sur Internet. Sur Internet, il faut s'assurer qu'on est dans la bonne ville. Même quand on atterrit dans le bon hôtel, des fois, il peut y avoir des surprises. Là, ça peut être différent des photographies. C'est pas toujours les mêmes photos, tout à fait. Et puis, tiens, on va aller comme ça, on va aller en musique. Je pense que ce serait le temps. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va écouter. On va y aller comme ça. Le choix du chef. C'est exactement le choix du chef. Parlant du choix du chef, je vais te parler. Est-ce que tu as écouté l'émission Les Chefs là, cet été qui avait lieu à Radio-Canada? Ben, je tous les lundis. Régulièrement. Je n'ai pas écouté toutes les émissions, mais je dirais que j'en ai peut-être vu la moitié. Ben c'est magnifique parce qu'on peut tous les écouter à tout.tv. Hein, je fais de la pub comme ça. Et puis, moi, j'avais eu juste l'occasion d'en voir une ou deux durant l'été. Okay. Et puis, je me les ai tapés en fin de semaine parce que j'ai plus de télé. C'est un peu l'équivalent de Hell's Kitchen, mais version Canada, français. Ouais, quand même un peu. Ressemble un peu aussi à Masterchef Australie. Ça ressemble un peu à ça. Et la seule chose que j'ai peut-être un peu moins aimé, c'est qu'on a appris que c'était une sélection qui avait été faite à partir des finissants, les meilleurs finissants des écoles de cuisine au Québec. Ah oui? Tandis qu'à l'époque, les premiers trucs de cuisine, c'était vraiment avec des monsieur, madame, tout le monde. T'sais, un peu, c'est comme si on ferait un Star Academy avec les meilleurs d'école dans les écoles de chant, mettons, ou les meilleurs musiciens. Parce que moi, je pensais qu'il y avait plus été ramassé dans des restaurants. Non. On sait qu'il y a des gens qui travaillent oui. dans le milieu de la restauration au Québec et au Canada. Il y en a. Et des très bons. Hein? Où il y en a des très bons, il y en a beaucoup. Et donc, je me disais, il n'y a pas à chercher bien loin pour trouver des candidats pour cette émission-là. Non, c'était dans les écoles. Ah ben ça, c'est un peu dommage. C'est comme si on faisait un Star Academy de l'humour avec des finissants de l'école de l'humour. Ben c'est ça, ou comme je te dis, un Star Academy avec des gens qui finissent en chant, en musique, parce que etc. La chose qui est vraiment intéressante de ce principe-là d'émission, le reality show, c'est le côté rêve américain. Exact, c'est de prendre le nowhere et de le rendre une vedette. Exactement. Ouais. Donc, peut-être qu'au Canada, ben aussi peut-être que Radio-Canada voulait éviter un peu ça. Il voulait peut-être aussi un certain niveau de cuisine assez élevé, je sais pas. Oui, probablement. Parce que moi, j'aime mieux le côté... tu sais, je sais pas, un souper presque parfait qui nous ressemble plus à si tu vas manger chez un ami. Et des fois, tu vas être vraiment surpris. Ça va être le repas gastronomique. Mais d'autres fois, ça va être... Oh, lui, il considère ça gastronomique. Une poitrine sec de poulet avec pas de sauce puis pas grand-chose. Tu sais, tu comprends? Moi, j'aime mieux le côté... nowhere. La personne arrive de nowhere et puis devient peut-être parce qu'elle a un talent... réel à l'intérieur de elle et puis devient vraiment une vedette, puis, en tout cas. Aussi, avec un souper presque parfait, je pense pas que V était tombé trop dans le sensationnalisme. Pas du tout, c'est parfait, culinaire. C'est juste. Oui, c'est juste. Bon, moi, j'aurais peut-être laissé de côté deux, trois petits bitchages, là, mais... Ah, bon, c'est drôle, les petits bitchages. Parce que les autres versions dans d'autres pays, là, ils bitchent beaucoup plus. Ils vont aller... L'émission dure oui, une heure. Mais j'aime moins aussi. Okay, j'aime ben moins ça. Quand j'écoutais Hell's Kitchen, je trouvais ça insupportable. Non, mais il ça... y a la version qui est exactement comme un souper presque parfait. OK, mais... Mais ailleurs, dans américain, d'autres... Américain, je pense en Angleterre que ça a commencé ou quelque chose du genre. Mais ce qu'ils font, puis ils le font aux États-Unis, c'est qu'ils vont aller voir ton ménage. OK. La caméra se promène parce que, tu sais, les gens reçoivent. Fait que là, ils mettent tout dans une pièce ou tout. Fait que là, ils se mettent à bitcher sur les rideaux, sur les tapis, sur... Check comment il y a de la poussière. Ou get, il a mis tous ses cossins dans sa boîte. Tu sais, il a mis toutes ses affaires dans cette chambre-là. Là, pour, tout le bordel. Le bordel, il est là, il est caché. Tu sais, ils le font un petit peu ici au Québec, mais dans une formule d'une demi-heure, on n'a pas vraiment le temps. Sinon, on verrait aucune bouffe, là. Mais d'une formule d'une heure, il paraît que c'est bien. Mais moi non plus, je suis pas très bitchage. Là. Ça donne pas grand-chose. Parce que j'écoutais des reality shows américains, des émissions américaines, puis ça prend presque toute la place du contenu, puis ça devient véritablement agaçant. Je trouve que ça fait ketchup, ça fait McDonald's, tu sais quoi? Ouais, je trouve fait. Que ça fait pas de classe. Tout à fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Il faut ce qu'il faut. Qu'est-ce que, comme quoi, mettons? Mm. Attends, il faut ce qu'il faut. Il fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait. Ah! C'est bon. Ben oui. C'est la chronique, c'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. On va s'enseigner des choses, toi et moi. C'est plus moi vers toi. Là. Tu vas apprendre des choses. Ouais, moi, je suis là pour... j'absorbe. Prends des notes. Non, peut-être pas. Non? Pas l'examen jeudi? On pourrait faire ça. Ça pourrait être la salmonelle, tu sais, la maladie là, avec des ça, viandes. C'est le poulet. Ouais, c'est ça, le poulet, exactement. Donc, la salmonelle, ça prend son nom et non pas du saumon. On aurait pu penser salmon, tu sais, salmon en anglais, saumon. Non, ça n'a rien à voir. Salmonelle, c'est Daniel Elmer Salmon, un pathologiste qui s'occupait d'un programme de recherche sur les micro-organismes de la USDA dans les années 1800. Monsieur Salmon. La voiture de la reine, en fait, les voitures de la reine, parce qu'il y en a plusieurs, sont les seules en Grande-Bretagne qui n'ont pas besoin de plaques avec chiffres, avec des numéros dessus. OK. Aucun besoin de plaques. Mais pas plaquées. Non, pas plaquées. Bizarre. La reine a vraiment été plaquée. Ouais. Le plus grand crocodile, on en parlait il y a quelques jours, le plus gros crocodile du monde et le plus petit homme du monde viennent de la même île dans les Philippines. Oh!

Mais bon, Mathieu ne trouve pas ça drôle, hein, parce que bon, on sait bien. Excuse-moi. Je fais en dents de même. Mais on ouais. Le sait bien. Hein, il y a le petit doigt dans les airs depuis le début de ma chronique. J'ai l'impression qu'il me juge. Ben, non, mais c'est pas vrai. Ensuite, bon, c'est ça, on cherche beaucoup à se pencher sur la spiritualité, pardon. Puis je pense que c'est une soirée qui va nous permettre vraiment de se dépayser puis d'avoir accès à des trucs qui sont exceptionnels, là, qu'on n'est pas, auxquels on ne sera pas confronté justement en traversant la rue ou en allant au cap. On n'est pas habitué de voir. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un art nouveau. Puis j'imagine que les artistes qui sont là vont peut-être pas être dans leur élément nécessairement. Ils ont sûrement fait beaucoup de recherches pour ces affaires-là. Alors, ça vaut la peine de s'y rendre. Donc, je vous rappelle, c'est les billets qui sont en vente à la porte au prix de 10$ et c'est à 20h spécifié, à 20h pile. Pile. Ça commence. C'est rare. Oui, d'habitude, hein? On dit une heure puis c'est une heure plus tard. Hein? Ben voilà, à l'atelier Silex. Si vous voulez en savoir plus, la page Facebook Festival International de Musique Universelle de Trois-Rivières en parenthèse FIMU. Voilà. Ou juste taper FIMU, peut-être que ça va être là. Oui, mais je vous invite à ne pas confondre avec ce qui se passe à Belfort. C'est ça. Non, non. Hein? C'est pas universitaire, c'est universel. Ben, c'est ça. Universel. Alors bon. Voilà. Alors voilà, merci beaucoup, Myriam. Hey, c'est madame. Un plaisir. Quelle excellente première chronique, hein? Oui, oui, on aime ça. Est-ce qu'on la reprend la semaine prochaine? Non. Non, OK. Bon, ben, coudonc, j'ai été vraiment contente d'être là. Puis, ben, on se retrouve peut-être au dans une autre con. Émission. Voilà, au dîner de con, là où on sait apprécier mon talent. Merci. C'est ça. Ton talent est très apprécié. Hey, mais tu fais encore une chronique dans l'émission Le Dîner de con avec Danny Janvier? Oui, exactement. Oui? Je fais ma chronique culturelle. C'est le lundi. OK. Donc, lundi midi, je serai là. Parfait. Parfait! C'est bien ça d'avoir séparé, ça fait le moins grosse journée. C'est voilà. Difficile des fois, mais il y a du monde qui font 4 émissions dans la journée, c'est beaucoup. Ouais, ben là. Pas va faire ça. Tu sais, je vous aime bien, là. Ouais, c'est pas parce que je voulais pas, là. C'est que. Question d'horreur, ça fitait mieux. Ouais, ouais, ouais. C'était plus beau. Mm-hmm, mm-hmm. C'est plus harmonieux, puis je viens plus souvent. Ben c'est ça. Au lieu d'une fois, je fais des séquences. Deux fois plus de Myriam. Voilà! C'est ce qu'on voulait tous depuis le début, vous avez entendu. Je vous gâte! Comme un bonbon. Rayé vert et blanc. Oui, c'est ça. Comme ton chandail. Amante. Oui, à l'amande, mais oui. Oui. Bon, mais sur cette petite musique chill de fin de chronique, merci beaucoup, Myriam. Et merci, à la madame. Prochaine, c'est mercredi 8h. Ben voilà. C'est simple demain. Mercredi 8h. Je serai de retour. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Vas-y. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles-André. Je pourrais passer des heures à écouter cette douce voix mielleuse qui m'annonce, mais je vais prendre le relais et vous entretenir aujourd'hui d'un livre que j'ai pas amené en studio, mais que j'ai réussi à trouver en PDF sur Google. C'est tout ce qu'il y a de plus magnifique. Mais blague à part, il s'agit du manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Paulo Coelho qui est connu pour avoir écrit, entre autres, L'Alchimiste et Véronica décide de mourir au pied de la rivière Piedra. Je me suis assise et pleurée. Il y a d'autres trucs qui ont été assez populaires. Mais en général, les gens connaissent mieux L'Alchimiste. D'ailleurs, L'Alchimiste, qui est un excellent livre aussi que je vous avais déjà présenté au cours des sessions passées. L'Alchimiste, qui est plutôt sous la forme d'un roman, en fait, c'est un roman philosophique, tandis que le manuel du guerrier de la lumière, c'est vraiment, à chaque page, il y a un petit enseignement. C'est plus un essai. Je dirais que c'est un recueil. En fait, Paulo Coelho a initialement publié dans un journal brésilien de courtes chroniques centrées autour des guerriers de la lumière et les a ensuite rassemblées dans un livre précédé d'un court texte introduisant le recueil. C'était publié en 1997, ce recueil. Il ne s'agit pas d'une histoire au sens conventionnel, mais d'un ensemble de textes courts présentant une philosophie de vie prenant ses sources dans le Tao, la Bible ou le Talmud. On trouve également ici le principe de la légende personnelle, déjà développé dans L'Alchimiste, entre autres. Et donc, je vous ai préparer un petit préambule. En fait, on dit, et je crois que c'est d'ailleurs la jaquette arrière du livre, les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens, mais ils n'ont pas renoncé à le trouver. Ils s'interrogent, ils refusent la passivité et le fatalisme. C'est pour cela qu'ils sont des guerriers de la lumière. Et là-dedans, il n'y a aucune, je dirais, implication profondément religieuse. Moi-même étant absolument pas dogmatique comme personne, et j'accepte aucune entrave à la liberté, à l'individualisme, que ce soit sous forme de religion ou autre. Et pourtant, j'ai trouvé dans une profonde... Des beaux principes. Une profonde spiritualité et de très beaux principes dans ce recueil-là. Et je dirais que c'est davantage une ligne de conduite qu'autre chose. Mais ça reste très facile à lire, c'est très accessible et ça reste divertissant. Là, c'est pas du tout quelque chose de lourd et je le recommande à n'importe qui. D'ailleurs, ça peut se lire à un rythme très très lent. Étant donné, tu dis que c'est tout des étant donné que c'est un recueil exactement. Et je vous ai préparé, j'ai choisi au hasard une des pages, un des textes du recueil pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler. Mais sachez que c'est extrêmement varié et il y a de toutes sortes de choses là-dedans. C'est curieux, se dit le guerrier de la lumière. J'ai rencontré tant de gens qui, à la première occasion, tentent de montrer le pire d'eux-mêmes. Ils cachent leur force intérieure derrière leur agressivité. Ils masquent leur peur de la solitude sous un air d'indépendance. Ils ne croient pas en leurs propres capacités, mais passent leur temps à proclamer aux quatre vents leurs qualités. Le guerrier lit ses signes chez nombre d'hommes et de femmes de sa connaissance. Il ne se laisse jamais abuser par les apparences et s'efforce de rester silencieux quand on cherche à l'impressionner. Mais il saisit la moindre occasion de corriger ses propres défauts, puisque les autres sont toujours un bon miroir de nous-mêmes. Un guerrier profite de toutes les opportunités pour devenir son propre maître. Et je trouve que c'est un excellent exemple du ton de ce recueil-là. On cherche pas à imposer des croyances là ou des dogmes. Et c'est pas moralisateur non plus. C'est vraiment sain et c'est vraiment léger. C'est comme une fine bruine pour l'âme. Et je vous suggère de vous laisser vous en asperger. Et d'ailleurs, j'ai connu des gens qui même offraient généreusement à leurs amis des copies de ce livre-là et qui essayaient de propager ce message. Là, je pense que c'est un message qui est sûr à être propagé. On ne fait jamais faux pas en propageant des messages comme ceux-là. Et donc, le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho, je vous le recommande chaudement. Et sinon, bon, on pourrait peut-être... Aller en musique. Ben, ça dépend, vas-y. Ben, je vous aurais entretenu quelques instants de Paulo Coelho, ben pour oui, ceux qui ben connaissent oui, ben moins ça va me cet auteur-là. Parce que, bon, c'est un romancier et un interprète brésilien. Je crois qu'il a été aussi journaliste, si je ne m'abuse. Il a acquis une renommée internationale avec la publication de L'Alchimiste, vendue à plus de 100 millions d'exemplaires. 100 millions? Oui, 100 millions d'exemplaires. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'argent, ce monsieur. Oh oui, tout à fait. C'est traduit en 66 langues, mon cher Danny. Seigneur. On parle... tu sais, si ça avait été des albums, ce serait un des top musiciens de l'histoire. Là. C'est 100 millions de livres. 100 millions de... Oui, exactement. 100 millions d'exemplaires écoulés pour L'Alchimiste. Et on parle pas de toutes ces autres publications qui ont connu aussi énormément de succès. Et donc, il est né à Rio de Janeiro, ce Paulo Coelho, d'un père ingénieur appartenant à la classe moyenne brésilienne. Il fréquente l'école jésuite de San Ignacio et se forge rapidement une âme rebelle sous le carcan austère de l'éducation des pères. Ses parents le veulent ingénieur, Paulo aime le théâtre. Son père, désemparé par cet enfant difficile, le fait interner dans un hôpital psychiatrique alors qu'il n'avait que 17 ans. Bien des années plus tard, l'écrivain puisera dans cette expérience pénible le matériau de son roman Véronica décide de mourir, dont je vous parlais tantôt. Je l'ai lu d'ailleurs et c'est aussi très bien. Et donc, Paulo Coelho, un auteur qui est à ne pas négliger pour ceux qui ne le connaissaient pas ou peu. Et je vous suggère d'ailleurs aussi de le suivre sur Facebook. À chaque jour, il publie des pensées comme ça et ils sont toujours très rafraîchissantes et agréables à lire. Bien, merci beaucoup, Charles-André Lambert. C'est bien de nous faire découvrir cet écrivain. Ça me fait plaisir. Et maintenant, aujourd'hui, étant donné qu'on est mardi, je vous ai amené une pièce tout à fait exotique. Exotique. En fait, à la base, je voulais amener une pièce des Chocolates. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai amené une pièce des Chocolates, mais je voulais amener Samba Fantastico. On a trouvé qu'un extrait. Est-ce qu'on peut l'entendre, oui, moi, Charles-André? On va l'écouter Adretella. On écoute ça, c'est 15 secondes. On dirait qu'on est dans l'émission Les Tannants. C'est tout ce qu'il y a de plus agréable. On comprend pourquoi je voulais amener ça à la base. Ça l'achève, là. Alors, de quoi se frotter le popotin pendant des heures? Et c'est tiré d'un album des Chocolates qui s'appelle Ritmo Tropical. Et, mais finalement, étant donné la difficulté que j'avais à trouver les pièces sur Internet, j'ai amené la pièce homonyme de l'album. Alors, Danny, on va Ritmo écouter ça. Ritmo Tropical! C'est parti! Ritmo Tropical. C'était extraordinaire, n'est-ce C'était pas, C'était épique. En fait, c'est une découverte vinyle. En fait, la plupart de mes choix du mardi à date sont toutes des découvertes vinyles et ça le sera probablement durant toute la session. Ça, c'est une version TV française 1975. Oui, mais ça sonnait assez proche de l'original. C'est correct. Hein? En fait, j'ai chez moi l'album Ritmo Tropical. on a entendu deux extraits. C'est du groupe français Chocolats, dans le fond Chocolat apostrophe S. C'est un groupe très populaire durant les années 1975 à 1978. Le hype n'a pas duré long. Le hype était là. C'était profitez-en pendant que ça passe. Ce groupe a popularisé Brasilia Carnaval, Ritmo Tropical, Donne-moi un baiser et La chatte à la voisine. Mais c'est un petit côté chose, là, la compagnie créole un peu. Oui, et d'ailleurs j'en viens, certains de leurs succès furent repris par la compagnie créole durant les années 1980-1990. Excellent. Et donc, composé de Belges et de Français, le groupe a été créé de toutes pièces par le producteur belge Marcel de Keukeleray. Oui, ben oui, c'est sûr. Afin de commercialiser Brasilia Carnaval, il avait composé, enregistré et mixé en une journée avec son équipe artistique. Ce titre avait connu un succès mondial et était le générique de l'émission de télévision très populaire de Guy Lux, Ring Parade. L'album a été vendu à, tiens-toi bien, 6 830 000 exemplaires. C'est quand même assez extraordinaire. 8 millions d'albums vendus pour Brasilia Carnaval. Mais nous, on vient d'entendre un extrait de Ritmo Tropical des Chocolates. Exactement. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. On accueille Simon Fidibé pour sa chronique Phénomène. Térémine aussi, ouais. Hein? Ben oui, parce que dans le thème original de Doctor Who, c'était du térémine qui s'est retrouvé. OK, c'est pas une imitation, c'est vraiment l'instrument. Oui, exactement. Mais maintenant, c'est des imitations, justement, dans les thèmes. Non, celui-ci qui date des années 80, je pense que c'était plus une imitation. Ça sonne bien, quand même. Et ouais, ça, le son est trop juste. Ben c'est ça, c'est pour être exactement sur la note. C'est difficile avec les mains, j'imagine, de trouver la note parfaite. Oui, mais ça, justement, on va en parler d'ici la fin de la chronique. Ben c'est ton sujet d'aujourd'hui, donc parlons-en de térémine. Oui, ben messieurs, tout le monde connaît les grandes familles instruments, hein, n'est-ce pas? Les cordes, les cuivres, les bois, les percussions et le triangle. Le triangle n'a pas... Ben, je trouve pas que c'est une percussion. Non, hein? Ça fait juste un petit bruit bien fun. Bien fun. Ça dépend des gens qui le jouent. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont du talent là-dedans. Simon, sûrement, le Air Triangle. Ouais, le Air Triangle, ça va. Le vrai, par exemple, je dis pas. Mais malheureusement, il y a une catégorie de nouveaux instruments qui passent souvent trop inaperçus, en fait, on les oublie un peu. Donc, il s'agit d'instruments qui utilisent une technologie du 20e siècle, rendant de nouveaux sons disponibles, bien sûr, sous des formes nouvelles également. C'est aussi donc un nouveau médium. Et ces dernières années, on a connu la musique informatique, mais bien avant cette invention-là, au début du siècle dernier, une invention a littéralement changé notre conception de la musique. Celle-ci allie la magie de la musique et l'ingéniosité de l'électrique, de l'électricité. Cette semaine, donc, je vous présente le térémine. Donc, un instrument très, très, très plaisant. En fait, le térémine, c'est le résultat des recherches soviétiques sur les senseurs de proximité. Il s'agit de l'invention de Lev Sergeïtch Termen, qui a présenté son invention à la Convention collective. Électronique. La Convention collective, c'est pas le même domaine. Les syndicats. Incroyable. Mais la Convention plutôt électronique de Moscou, l'instrument donc était tellement inventif que Vladimir Lénine, le leader du parti bolchevique, si on veut. Vlad. Vlad, oui. Il est plutôt connu sous son nom de Lénine. Non, excuse-moi. Il est tombé en amour directement avec l'instrument et a entrepris même d'apprendre à en jouer pour montrer à quel point il était intéressé par ça. Et le gouvernement était tellement intéressé également par l'invention de Termen qu'ils l'ont envoyé partout autour du monde afin de démontrer le génie soviétique. Et c'est pendant ce voyage qu'il décide de passer à l'Ouest et s'installe aux États-Unis où il fait breveter son invention et la vend à RCA en 1928. Электромузыкальный инструмент Термен Вокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. Et donc, il s'agit de Termène lui-même, renommé par la suite Léon Térémine, donc pour les Américains et le monde entier. Moi, je savais pas que ça s'appelait Térémine. Tu savais c'était quoi l'instrument? Oui, je savais c'était quoi. Je me suis, on dirait que, vu qu'on n'en voit tellement pas souvent, je me suis jamais attardé vraiment au nom. Un térémine, vois-tu? Généralement, les gens connaissent pas le térémine, mais ils l'ont déjà entendu, ils l'entendent depuis très longtemps, parce qu'on le retrouve dans toutes les couches de la culture populaire. D'ailleurs, ça, on en reparlera d'ici la fin de la chronique également. Mais oui, c'est un instrument extrêmement intéressant. Et je vais vous expliquer un peu le principe, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça a l'air, en fait. Le principe du térémine, c'est assez simple. C'est un instrument qui se joue sans contact. C'est deux antennes métalliques, donc, qui sont reliées à un oscillateur hétérodyne. Demandez-moi pas ce que c'est, j'ai pas fait de tour de génie, donc c'est assez difficile. Mais en fait, cet oscillateur-là règle le son qui est émis par l'instrument. Et le musicien approche ses deux mains des antennes et ses mains, en fait, et le musicien agit comme une mise à la terre pour les antennes. C'est-à-dire que le courant passe dans. Ben, le courant, les ondes, en fait, dégagées par les antennes passent dans le musicien. Mais c'est rien de dangereux. Ça. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, les capaciteurs, en fait, c'est les antennes sont des capaciteurs. Et ils sont utilisés pour contrôler la tonalité et le contrôle du son, c'est-à-dire que tu as l'antenne qui s'occupe, l'antenne de droite qui est comme dans les airs, qui s'occupe de la tonalité, et celle qui est à gauche et qui est généralement à l'horizontale, qui elle s'occupe du son. Et, ah, je savais même pas, moi dans ma tête, en fait, les deux. Étaient comme semblables. Non, c'est vraiment. Ça. Ils ont les deux leur façon, non pas leur façon, mais leur tâche assignée. Bien précise. Ouais, et c'est le fait, en fait, lorsqu'on se rapproche les mains, c'est comme si les deux antennes se rapprochaient eux-mêmes. Et c'est ce qui fait le son est différent de et puis, chaque. Et puis, si on s'éloigne, si on met pas nos mains, est-ce qu'il y a un son quand même? Non. Il n'y a pas de courant, dans le fond. Okay. Après une certaine. Il n'y a rien qui se passe. Certaines zones, il n'y a plus rien qui se passe, effectivement. Et donc. Malgré l'ingéniosité de l'invention du térémine, eh bien, c'est un échec commercial. Peut-être que la date de son lancement officiel, c'est-à-dire le lendemain du crash boursier de 1929, à avoir ça n'a pas dû aider. Excellent timing. Ouais, on ne pouvait pas se payer vraiment un produit de luxe. Et donc, quelques musiciens, par contre, s'y sont intéressés et ont investi dans l'invention de térémine pour le faire connaître. Des musiciens comme Clara Rockmore ou Lucy Bigelow, ainsi que Paul Robertson, donc, qui ont fait des tournées mondiales en jouant de la musique classique sur l'instrument, puisque le térémine, lorsque bien joué, peut ressembler pratiquement à un violon. Il y a même, ces musiciens-là étaient formés justement en tant que violoniste ou pianiste. En musique classique, un certain background. Ils ont abandonné leurs instruments pour le térémine parce que... Pour se consacrer entièrement? Oui, exact, parce que c'est un son pur, c'est-à-dire il n'y a pas de cordes frottées, il n'y a pas de bruit de frottement, il n'y a pas le craquement du bois quand tu fais une note trop forte, rien. C'est vraiment un son pur, électrique. C'est ce qui rendait ça très, très attrayant. Attrayant. Mais refaire la même note, ça doit être quand même assez dur. Ouais, c'est vraiment très, très compliqué. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir une très, très bonne oreille, être un très bon musicien pour être capable de recréer toujours les mêmes notes. Puis une bonne, je sais pas si je peux dire ça, là, mais conscience de soi pour, en fait, là, pour, tu sais, c'est avec le corps. Là, ouais, c'est ça, exactement, se rappeler où c'est qu'on est physiquement. Mm-hmm. Mais ça, les musiciens formés, habituellement, sont capables de se créer une genre de mémoire, une mémoire du toucher ou de l'endroit pour se rappeler justement où ils étaient. Les violonistes, ça fonctionne comme ça, entre autres. Parce qu'il n'y a pas de fret sur un violon. Non, c'est ça. Tu t'en rappelles assez bien. Ah ouais. On voyait dans la vidéo le gars qui tremblait un petit peu les doigts pour faire du genre de la modification. Du trémolo, si on veut. Si tu bois du café, tu vas faire de la bonne musique. Oui, exact. Ça n'arrête pas. D'accord. Tout le temps. Tout le temps plein de trémolo. On pourrait dire que je suis un homme de trémolo. Quand je bois mon café. Attention, ça peut être dangereux. Ça, oh ouais, en fait trop. C'est ce que ton lecteur t'a dit, hein? C'est ça. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, par contre, l'intérêt pour le térémine a atteint son plus bas. Il s'agissait d'une invention soviétique, donc on était au début de la guerre froide, et elle était un petit peu démodée également. Les dernières personnes à donner de l'intérêt pour l'instrument étaient les membres des groupes électroniques dans les années 50, c'est-à-dire non pas des groupes électroniques qui faisaient de la musique électronique, mais plutôt des groupes d'électronique, des ingénieurs en herbe qui aimaient s'amuser avec le courant électrique et pogner des chocs. Et entre autres, il y avait un adolescent du nom de Robert Moog qui s'est mis à construire des térémines, en fait, en plus de publier ses plans dans les magazines. Et cet intérêt marqué de Moog pour l'instrument va éventuellement l'emmener à créer sa propre invention, le synthétiseur synthétiseurs Moog. Ça, ouais, c'est ce que je m'allais dire. Moog, ouais. Il y a plein d'autres produits que ça, non? Oui, oui. Ouais, les écouteurs, ils font plein de choses. On en parlera dans une prochaine chronique parce que son invention révolutionne l'histoire de la musique. Donc, on va pouvoir en reparler également comme un autre phénomène. Parfait. Et donc, dans la culture populaire, on associe le theremin à la musique des films tels que The Day the Earth Stood Still, aussi The Thing, et autres films d'horreur qui ont beaucoup influencé les musiciens populaires des années 60, qui ont approché la sonorité du theremin de plusieurs manières. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Les Beach Boys avec A Good Vibration, mais il ne s'agit pas ici d'un theremin, mais plutôt un tannerin. Eh oui. Tangerine. C'est presque ça. En fait, il s'agit d'un instrument du même genre, mais qui s'active lorsqu'un morceau de métal glisse sur une plaque de métal reliée à un oscillateur. Donc, c'est pas nécessairement la même chose. Mais ça se rapproche beaucoup. En fait, c'est que son inventeur, Paul Tanner, qui est un tromboniste, aimait beaucoup le theremin, mais voulait une technique permettant de mieux contrôler le son de l'engin. Parce que, comme on le disait, il fallait avoir une très, très bonne mémoire de ce qui se passait avec, avec ses doigts. Et donc, avec le tannerine, on arrivait à illuminer plus facilement. Ouais, exactement. On pouvait dessiner des petites lignes, savoir où ton son s'en allait selon la position de ton antenne. Donc, c'est un peu plus facile. J'aimerais également souligner, pendant qu'on y est, que le thème de Star Trek, qui est souvent associé, c'est-à-dire la première série, est souvent associé aux Térémines, mais c'est en fait une contre-soprano, une femme qui chante le thème. Elle fait ça avec sa voix. Ouais, elle imite le Térémine. Wow! Ouais, parce qu'on n'arrivait pas à enregistrer une bonne version, c'est-à-dire de la pièce, et ils ont donc invité une chanteuse à venir faire une imitation. Ça, c'est incroyable. Oui. Je l'aurais pas su. En fait, c'est comme les Beach Boys, je pensais que c'était un Térémine, et non, finalement, c'était pas ça. Les vidéos de mon enfance ne m'ont pas menti, en fait, parce que je regardais les Beach Boys et je voyais comme qu'ils jouaient avec une plaque de métal. Je disais, mais non, mais c'est un Térémine dans la pièce. Mais non, finalement, c'est eux autres qui avaient raison, pas moi. Jamais contredire les Beach Boys. Ben non, jamais. Et donc, le Térémine s'est également fait une place sur les albums des Rolling Stones, entre autres, et des White Stripes sur scène avec Led Zeppelin, dans la musique de Portishead et Captain Beefheart également. Radiohead s'est également intéressé à un instrument semblable au Térémine, c'est-à-dire les ondes Martenot, qui sont jouées, eux, sur un clavier au bout du doigt. Et la dernière pièce, en fait, c'est un hommage pour toi, Mathieu. Oui. Ouais. Et en fait, c'est une pièce qui prend un peu de temps à partir, par contre. Ouais, puis avec le bouton P. Ah là là! Ah! Oh! Talent. Ouais, c'est... Avec un petit synthétiseur à l'arrière pour faire les effets sonores. Ouais, exactement. Des fois, il n'est pas nécessairement en synchronisation complète avec les effets sonores, mais c'est quand même bien. Il s'agit bien sûr du thème de Zelda réalisé au Térémine. Tout à fait. Et dans les liens reliés, j'ai pas le choix de le faire jouer, même si c'est ta chronique, je m'incruste. Je suis pas mal sûr que tu vas être déçu, par contre. Pour vrai, il est pas bon? Ben, clique pas dessus. Bon? Clique dessus. Oh, mais c'est triste, mais c'est pas bon. C'est poche, hein? Regarde l'adresse qui est écrite en dessous du vidéo. Ah, OK. Ouais, c'est une vidéo blague. Ouais, exact. C'est fun. C'est quelqu'un qui le fait avec sa bouche. Ah oui? Ouais. Bon, on l'écoutera même pas là-bas. Non, c'est ça. On dirait même pas son nom non plus. C'est normal. Fini. Hey, ça finit mal, ça. Ça aurait bien fini si j'avais juste laissé tranquille ta chronique. Hein? C'est... ça m'apprendra! Ouais. Je referai plus ça. OK. Merci, Simon. Ben, merci. Okay. Merci à vous. Oui, merci. Très intéressant. Je suis sûr qu'il il savait que je le ferais. J'étais sûr qu'il... Ben, aussitôt que t'as dit qu'il y avait quelque chose. Ah! Mm-hmm. Non! On se retrouve demain, Simon, à l'émission Album Classique. Album Classique. C'est les vendredis matin à 10h. Qu'est-ce qui se passe à l'émission demain? Alors, on va présenter l'album Blind Faith de Blind Faith. Donc, le groupe d'Eric Clapton, Stevie Winwood, ainsi que Ginger Baker. Bacon? Baker. Ensuite, à Rock Classique, c'est ta chronique Les éphémérides du rock. Ça commence à 11h. On te retrouve aussi lundi soir à 20h avec ta nouvelle émission. Que là, tu as un nom et tu as tout. Oui, là. La toute première de catalepsie. Oh, wow! Oui. Explique-nous ce que ça veut dire. Aussi. En fait, la catalepsie, c'est le phénomène lorsque on arrête tout mouvement, on n'est plus capable de bouger. Bien sûr, ça arrive sous l'état d'hypnose, mais également chez les schizophrènes, c'est quelque chose qui peut arriver. On devient comme une statue. Dans Mario 3, quand tu pèses par en bas, quand tu as le petit habit. Puis là, tu peux comme devenir une genre de statue, puis les bibittes passent autour de toi. Ouais, un peu comme ça. Mais les bibittes peuvent passer dans toi, hein, parce que t'es encore conscient, c'est ça qui est le pire. Ah. C'est une genre de. En fait, être raide comme une barre. C'est pas de une paralysie, fer, non? C'est une genre de paralysie volontaire, en fait. Okay, c'est que bien souvent, les gens sont hypnotisés, c'est volontaire. On dit t'es raide comme une barre, et la personne n'est plus capable de bouger ses membres, c'est la catalepsie. Donc, on vous invite à chaque semaine de tomber en état de catalepsie pendant notre émission. Et de reprendre vie et forme après. Oui, exactement. Ouais. Ben oui, bien sûr. Il faut revenir. C'est ça. Oui. Mais ça veut dire que vous ne bougez pas et pendant les pubs, vous n'allez pas vous chercher quelque chose à manger, vous restez ici. Ah non, vous restez là. Okay. Exactement. Devant votre poste de radio. Eh bien, C'est bon, ça? C'est lundi de 20h à 22h. Oui, une émission à thème, d'ailleurs. On va toucher la radio pour le premier thème. Oh, intéressant. J'espère que tu seras pas dans un bain quand tu vas toucher la radio. Hein? Ouais. François, tu participes pas? Non. Fais un Richard Turcotte de toi-même. Comme ça, non? Non, ça, j'aime pas ça, moi, ça. Okay. Ah, c'est lui qui rit de même. Ben, je sais pas, surtout. Ouais, surtout. Tout dans le même bain. Toutes des toute belle gang. On devrait leur lancer une radio, ils sont tous dans le même bain. Oh, ça m'énerve. Ouais, merci. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Cette nouvelle-là m'a fait quand même sourire. C'est une femelle orang-outan, pardon, qui est priée d'arrêter de fumer. Donc, ça se passe en Malaisie. Elle s'appelle Shirley. Hein? Quoi de mieux pour un nom de singeresse que Shirley? Une femelle orang-outan de 25 ans. Elle est l'un des animaux les plus connus parmi ceux abrités dans des zoos du pays. Et puis, on parle bien sûr de Malaisie, excusez. Donc, et pour cause, parce que depuis plusieurs années, elle avait la particularité de fumer des cigarettes que le public lui envoyait. D'après le journal Le Mirror, la guenon mendiait ses mégots aux visiteurs qui passaient devant sa cage. Ceux-ci ignorant l'enseigne ne pas fumer, lui jetaient leur reste de cigarette. Ainsi, les gens s'amusaient à la voir fumer. Inconscient des problèmes de santé qui pouvaient résulter de cette mauvaise habitude, heureusement, la direction semble avoir donc enfin pris conscience de la dangerosité de la situation. Et selon le journal The Sun, Shirley, notre belle orang-outan, a récemment été prise en charge par les autorités malaisiennes qui ont considéré que ses conditions de vie étaient inacceptables. Mise en quarantaine dans un autre établissement, elle n'a pas donné de signe de dépression ou de manque et devrait donc être transférée dans les prochaines semaines dans un centre à Bornéo. Peut-être qu'ils vont utiliser des patchs aussi, mais bon. Ce n'est pas la première fois que le zoo qui abritait Shirley est montré du doigt. Il faut dire que la structure est très mal entretenue. Beaucoup d'animaux sont délaissés ou mal soignés par le personnel, comme ces crocodiles dans un enclos sec ou des tigres dans une cage minuscule qui n'est à peu près jamais nettoyée. Je conseille à quiconque visitant la Malaisie de rester loin des zoos sous peine d'être profondément choqué par ce qu'ils verront. Donc, a déclaré le dernier directeur du Nature Alert. Donc, je vous invite à découvrir la famille orang-outan en train de fumer en cliquant, bien sûr, sur la page Facebook du Dîner de con. Je mettrai le lien dans quelques secondes. Mais le lien est déjà là. En tout cas, vous irez voir. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le Dîner de con de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est Fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.